Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 50. Du sujet des habitudes. Y a-t-il des habitudes dans le corps humain, dans l'essence et dans les facultés de l'âme, dans les puissances sensitives, dans l'intelligence, dans la volonté, et enfin dans les anges? 1. Y a-t-il des habitudes dans le corps humain? Comme disposition d'un sujet à l'opération, l'habitude ne réside pas principalement dans le corps humain. Les opérations du corps appartenant d'abord à l'âme, les habitudes qui y disposent sont principalement dans l'âme elle-même, elles ne sont dans le corps que secondairement, en tant qu'elles donnent aux organes l'aptitude et l'inclination nécessaires pour exécuter promptement les ordres de l'âme. Comme disposition relative à la nature, l'habitude peut exister dans le corps, ainsi, la santé, la beauté et les autres qualités pareilles sont appelées des dispositions habituelles, quoiqu'elles ne soient pas de véritables habitudes, leur cause étant naturellement très mobile. Aussi Aristote a dit que la santé comme une habitude, sans affirmer qu'elle en soit véritablement une, il n'y a que les qualités de l'âme qui méritent absolument ce titre. 2. L'âme est-elle le sujet des habitudes par son essence ou par ses facultés? Nous l'avons vu, les habitudes se rapportent à la nature ou à l'opération. Considérées par rapport à la nature, elles ne peuvent être dans l'essence même de l'âme. L'essence de l'âme n'est pas un sujet qui doive être disposé par rapport à la nature humaine. Sous ce point de vue, les habitudes sont plutôt dans le corps. Il n'y a qu'un cas où elles résident dans l'essence même de l'âme, c'est lorsqu'il s'agit de participer à une nature supérieure, conformément à ces paroles de saint Pierre. 2e Épître 1, 4. Afin que nous devenions participants de la nature divine. Rien n'empêche alors que l'âme n'est dans son essence, comme on le verra, une qualité habituelle qui est la grâce. Si nous envisageons les habitudes du côté de l'opération, elles sont assurément dans l'âme. Mais sont-elles immédiatement dans son essence même? Non, elles sont dans l'âme par les facultés. L'âme produit ses opérations par ses puissances, et non par son essence. 3. Y a-t-il des habitudes dans les puissances sensitives? Les puissances sensitives agissent par l'instinct de la nature ou sous les ordres de la raison. En tant qu'elles agissent par l'instinct de la nature, elles sont ordonnées à une seule chose comme la nature elle-même, et alors elles ne peuvent avoir aucune habitude, pas plus que les facultés naturelles. Selon qu'elles agissent par l'ordre de la raison, elles peuvent être bien ou mal disposées, et, partant, elles ont des habitudes. Que les puissances nutritives n'en aient point, cela se conçoit, elles ne sont pas assujetties par la nature à l'empire de la raison. Les facultés sensitives en contractent, parce que, devant obéir à la raison, elles sont susceptibles d'être dirigées en sens divers. 4. Y a-t-il des habitudes dans l'intelligence? Il y a dans l'intelligence certaines habitudes, comme la science, la sagesse, la connaissance des principes, en un mot, celles que l'on a coutume d'appeler habitudes intellectuelles. N'est-ce pas, en effet, notre entendement, ou, comme aurait parlé le philosophe, notre intellect possible qui renferme l'habitude de la science, par laquelle nous pouvons comprendre et réfléchir alors même que nous ne comprenons ni ne réfléchissons? Que les habitudes intellectuelles existent secondairement dans les facultés sensitives, telles que l'imagination et les autres de même genre, dont l'intelligence ne laisse pas que de céder pour comprendre, nous y consentons. mais nous maintenons qu'elles existent principalement dans l'entendement lui-même. En effet, elles appartiennent à la faculté qui agit. Or, connaître et réfléchir sont les actes propres de l'entendement, donc l'habitude par laquelle on réfléchit et on comprend réside proprement dans l'entendement. 5. Y a-t-il des habitudes dans la volonté? Il ne faut pas perdre de vue que toute faculté capable de prendre des déterminations bonnes ou mauvaises a besoin qu'une habitude la dirige convenablement. La volonté, comme puissance raisonnable, étant évidemment de ce genre, il lui faut une habitude qui la dirige dans son exercice. Elle s'incline par nature vers le bien que lui prescrit la raison, cela est vrai, mais, comme ce bien se diversifie, se divise à l'infini, et qu'au milieu de cette diversité, la fin de l'homme exige qu'elle se porte vers certains objets qu'elle ne recherche pas par nature, il est nécessaire que des qualités viennent lui conférer une inclination sûre et prompte. Ce sont précisément ces qualités qu'on appelle habitude. Note. La liberté est un grand bien, mais nous en pouvons bien ou mal user. Le bon usage de la liberté, quand il se tourne en habitude, s'appelle vertu, et le mauvais usage de la liberté, quand il se tourne en habitude, s'appelle vice. Confère Bossuet. Fin de la note. 6. Les anges ont-ils des habitudes? Il y a des auteurs qui ont supposé que les anges n'ont aucune espèce d'habitude, c'est une erreur. Ils n'en ont pas, à la vérité, pour constituer leur être naturel, qui est immatériel, mais, comme ils n'existent pas par eux-mêmes et qu'ils ont besoin d'une participation extérieure à la sagesse et à la bonté divine, il faut à leur intellect et à leur volonté des qualités ou habitudes qui les disposent à s'élever à Dieu, et que, pour cette raison, Saint Denis a nommé habitudes déiformes. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.